Bah, tu vois, des Arturia, t'en as plus que moi. Moi, j'ai. Enfin, ça s'appelait la collection classique. Il y a, tu sais, l'Analog Lab. Avec le Jupiter, le. Bah, le Mini V, quoi. Enfin, le Mini Moog. Enfin, leur Mini Moog. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Harp 2600. Le Prophet 5. Ou le Prophet V, enfin je sais pas comment on dit. Enfin je crois que c'est le Prophet 5. Parce qu'il y en a des suivants, 6, 7, 8 et tout. Et le Mini V, Prophet, Jupiter, Harp et Oberheim. Ah ouais, le SEM. Oberheim SEM. Enfin c'est mon préféré. C'est un truc de malade. Faire des effets spéciaux ou des trucs comme ça, enfin je pense qu'il y en a qui ont eu les moyens de s'amuser avec ça. Enfin il y a une spatialisation du son, en plus c'est la folie. J'ai même voulu prendre le vrai tellement ça me plaît. Je l'ai pas pris. Hein. Mais je sais bien, mais de toute façon, moi je pense que le piège avec tous ces VST et tous ces sons, si tu veux, par milliers, tu vois, c'est de s'y perdre complètement en fait et ne jamais rien faire. Enfin, déjà là, des sons, j'en ai quand tu comptes les sons de l'Analog Lab, quand tu comptes les sons enfin, du Jupiter, enfin tous les sons, enfin ça fait une quantité de sons, rien que sur l'Analog Lab, il y a 6000 ou 7000 sons. Enfin, c'est énorme. Et du coup, ouais, du coup, les VST, ouais, c'est bien, mais. Enfin, je pense qu'une machine physique, en fait, ça permet d'aimer ce qu'on a, tu sais, c'est un objet. Et je pense qu'on a un rapport différent, quoi, avec. Avec le truc. C'est pour ça que j'ai pris deux synthés, si tu veux, matériels. Enfin, j'en ai trois pour. Enfin, pour me contenter, tu sais, de leur timbre, quoi. Enfin, de leur truc, si tu veux, et pas partir trop dans les VST, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est tentant. C'est vrai. Thank you. Non, non, mais c'est sûr, moi les VST, j'ai découvert ça assez récemment, il y a quelques années en fait, parce que j'avais pas. Je faisais pas d'ordinateur quoi. Et du coup, ouais, c'est hyper pratique, enfin, ça c'est clair. Et c'est très bon marché par rapport à du hardware, comme on dit.